Épilogue. La papauté dans la prophétie biblique. Chers lecteurs, jusqu'à cette page, vous avez fait connaissance avec des événements qui vous ont surpris et peut-être même choqué. Le docteur Alberto Rivera, qui faisait partie lui-même de cet appareil destructeur, participait personnellement à ces activités et les a rendues publiques. Il n'a point fait cela parce qu'il haïssait les personnes qui appartenaient à ce système papal, dont il faisait lui-même partie. Mais bien au contraire, il le fit par amour envers ses anciens confrères et envers chaque catholique. Lorsque le docteur Rivera réussit à se procurer la Bible, lorsqu'il examina et compara à la doctrine papale à laquelle il croyait alors, il vit que l'enseignement de l'Église catholique n'avait presque rien à voir avec celui de la Bible. Alberto comprit aussi les prophéties bibliques qui avait annoncé d'avance l'apparition de ce système papal, particulièrement dans les deux livres bibliques qui contiennent les prophéties mentionnées et qui sont le livre de Daniel dans l'Ancien Testament et le livre d'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Toutes les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre ce que nous disent ces prophéties bibliques, j'en dirai ici quelques mots. La plupart des prophéties utilisent des symboles. Chacun d'eux trouve son explication dans la Bible elle-même, sans qu'il soit besoin de s'appuyer sur des suppositions. Vous vous demanderez, mais pourquoi Dieu a-t-il voulu utiliser des symboles? Ces symboles permettaient souvent d'expliquer mieux l'inconnu à partir des choses connues pour tous ceux qui recherchent la vérité sincèrement. Mais aussi ces symboles permettent de masquer à certaines personnes la compréhension totale de ces prophéties, parce que, au lieu d'accepter la vérité qui leur avait été déjà révélée, elles l'avaient déjà refusée. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, verset 11. Ces personnes aiment mieux les mensonges que la vérité. Elles préfèrent les ténèbres à la lumière. Elles peuvent même finir par persécuter ceux qui recherchent la lumière avec sincérité. Au début de l'ère chrétienne, ce furent les empereurs romains, Dioclétien, Néron, qui furent les persécuteurs. Plus tard, ce fut le système papal qui remplaça ces empereurs. La Bible nous explique en quoi consistent ces deux catégories de gens face à la vérité. Dans le livre de Daniel 2, verset 21, nous lisons « C'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Et au chapitre 12, verset 10 du même livre, nous lisons « Plusieurs seront purifiés et blanchis et affinés, et les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Qui sont ces méchants? Les méchants sont des personnes qui se sont endurcies dans le péché, qui ont rejeté volontairement la lumière spirituelle que Dieu leur avait envoyé auparavant. Les intelligents, qui sont-ils? Ils sont humbles devant Dieu. Ils étudient la parole de Dieu, la Bible. Ils cherchent à découvrir les vérités bibliques à l'aide de la prière, avec un cœur contrit et un esprit humble. Dieu leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent sa volonté. Ils ne se contentent pas de comprendre ce qui est écrit dans la Bible, mais ils mettent en pratique ce qu'ils ont compris. Où est exprimée particulièrement la volonté de Dieu? Dans les 10 commandements donnés par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, et non les 10 commandements différents remaniés par la papauté. L'un de ceux que l'on peut compter parmi les intelligents fut certainement Alberto Rivera. Il chercha à découvrir la vérité biblique. Le Seigneur lui ouvrit les yeux et éclaira son esprit pour lui montrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Après avoir fait connaissance du système politico-religieux de la papauté, à travers l'histoire et l'expérience d'Alberto Rivera, voyons ensemble brièvement ce qu'en dit la Bible à travers les prophéties de Daniel et de Jean dans l'Apocalypse. Cette étude exigerait tout un autre livre. Nous nous bornerons à en tracer les grandes lignes pour être bref et concis. Le système papal dans le livre de Daniel. Le prophète Daniel, quand il était à Babylone, vers l'an 600 avant Jésus-Christ, eut le privilège d'avoir trois visions concernant l'histoire du monde jusqu'à la fin. Une vision dans le chapitre 2, quand il avait une vingtaine d'années, et deux autres visions à la fin de sa vie, dans les chapitres 7, 8 et 9. Ces trois visions concernent le même sujet sous un angle différent. Elle nous relate l'histoire des quatre grands empires jusqu'à la fin de tous les royaumes terrestres. Babylone, de 605 à 539 avant Jésus-Christ. L'empire médo-persan, 539-331 avant Jésus-Christ. L'empire grec, avec le roi de Javan, Alexandre le Grand, 331 à 156 avant Jésus-Christ. Et un dernier empire, l'Empire romain, 146 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ, et son développement jusqu'à la fin. L'histoire confirme avec exactitude l'existence et la succession de ces empires, avec leurs caractéristiques. La Bible ne nous laisse pas dans l'ignorance de l'explication des symboles utilisés, puisque chaque fois les symboles sont clairement expliqués. Exemple, en s'adressant à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Daniel affirme: C'est toi qui es la tête d'or. Chapitre 2, verset 38. Ou encore, les béliers que tu as vus et qui avaient les cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Daniel 8, verset 20. Etc. Mais la prophétie s'intéresse longuement à l'histoire du dernier empire, l'Empire romain, qui ne ressemble à rien d'imaginable et surtout de son développement ou transformation qui nous concerne jusqu'à aujourd'hui dans les chapitres 7, 8, 9. Nous lisons. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal. Terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Daniel 7, verset 7. Toujours selon la prophétie, cette domination romaine se transforme sous la poussée des 10 cornes, symbolisant 10 puissances barbares qui envahissent l'Empire romain au IVe siècle jusqu'à son effondrement en 476. Mais cette puissance ne disparaît pas totalement. Bien au contraire, une puissance toute nouvelle surgit à la même place, au milieu d'elle, plus effrayante que toutes les autres. Quelle est cette puissance? Selon les caractéristiques de cette nouvelle puissance donnée par la prophétie, il ne nous est pas difficile de la reconnaître. 1. Cette corne ou puissance est différente de toutes les autres. Daniel 7, verset 23, 24. Ce sera une puissance temporelle comme les autres, mais aussi avec des prétentions spirituelles jusqu'à dominer les consciences et donc différente des autres. 2. Elle croît au milieu des 10 autres cornes et en arrache 3. Daniel 7, verset 8 à 20, 8 et 20. Lors de l'invasion de l'Empire romain par les barbares, trois peuples se disputèrent Rome et furent vaincus par ce nouveau pouvoir. Les Hérules en 493, les Vandales en 534 et les Ostrogoths en 538. 3. Elle parle avec arrogance. Daniel 7, verset 20. Cette nouvelle puissance revendique des prétentions extraordinaires au-dessus de tous les souverains de la terre, jusqu'à les humilier si la contrarie. Rappelez-vous de Canossa. 4. Elle a une plus grande apparence que toutes les autres. Daniel 7, verset 20. Une simple image permet de s'en rendre compte. 5. Elle fait la guerre aux saints, les persécutant particulièrement pendant 1260 ans. Daniel 7, verset 21 à 25. L'Inquisition a fait plus de 50 millions de morts sur les bûchers, dans les prisons, aux galères ou sous les coups. Elle a chassé des millions d'exilés de leur foyer. Et tout cela a duré jusqu'à la Révolution française. 6. Elle prononce des paroles contre le Très-Haut, des blasphèmes. Daniel 7, versets 8, 20, 25. Elle revendique en effet l'autorité même de Dieu, prononçant des jugements qui n'appartiennent qu'à Dieu. Et parmi ses prétentions et ses blasphèmes, on peut en lire quelques-uns dans la vidéo que j'avais fait précédemment sur Daniel 7, Daniel chapitre 7 et le nouvel ordre mondial. Et on va lire quelques prétentions et blasphèmes. Dans le Catholic National de juillet 1895, il est écrit: le pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus-Christ caché sous le voile de la chair. Donc ici, ils disent clairement dans leur journal que le pape est Jésus-Christ. Pape Léon XIII, dans une lettre encyclique du 20 juin 1894, avait dit: nous tenons, je cite, nous tenons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. Et encore, dans le 35 Concile, volume 3, colonne 1167, il est écrit, je cite, nous considérons que le Saint-Siège, c'est-à-dire le Vatican, et le Pontife romain ont la primauté sur le monde entier. Et donc voilà, je vais lire un autre passage où on voit même la comparaison entre le pouvoir pontifical et le pouvoir qu'avait le pharaon. Voilà. Et dans les présentations précédentes, j'expliquais justement le parallèle entre les pratiques romaines et les pratiques égyptiennes qu'on retrouve encore dans la papauté aujourd'hui. Parce que la papauté, son système, sa tradition est basée sur la tradition égyptienne. Et on va le voir justement tout de suite. Le pharaon était le souverain tout-puissant, le roi de l'Égypte antique. Les Égyptiens le considéraient comme un dieu vivant, fils du dieu Ré ou Ra, le créateur suprême. Les pharaons sont aussi les intermédiaires entre le peuple et ses dieux. Intermédiaire entre le peuple et ses dieux. Et voici son parallèle ici. Vous voyez bien, c'est le même siège, les mêmes serviteurs avec les mêmes éventails. Le même siège, le même serviteur, même éventail. Donc, on voit clairement la similitude ici. Le pape est d'une si grande dignité et si exalté qu'il n'est pas un simple homme. Il est comme s'il était Dieu et le vicaire de Dieu. En raison de son excellence et de sa suprême dignité, il est appelé l'évêque des évêques. Il est comme un monarque divin, un empereur et le roi des rois. C'est pourquoi il porte une triple couronne en tant que roi du ciel, roi de la terre et roi des régions plus bas que la terre. Or, en disant qu'il est roi du ciel, c'est qu'il est le roi du royaume des cieux. Donc, un humain est roi du ciel, parce que le ciel, c'est où? C'est le royaume des cieux. Jésus avait dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, celui qui est propriétaire du royaume des cieux, c'est le Christ. Or, ici, dans leur prétention, le pape est dit roi du ciel, de la terre et des régions plus bas que la terre, alors que ce statut ne revient qu'à Dieu seul, à Dieu seul. Donc voilà quelques exemples des blasphèmes et des prétentions de ce système papal. 7. Elle changera les temps et la loi. Daniel 7, verset 25. Le calendrier que nous utilisons fut élaboré par la papauté. Quand on dit commandement du catéchisme romain, appelé pourtant commandement de Dieu, il diffère notamment du décalogue donné par Dieu sur le mont Sinaï. Le second commandement a été supprimé Le quatrième fut changé et le dixième fut dédoublé pour trouver le nombre 10. Voilà, selon le prophète Daniel, ce qu'est cette puissance. Alors, je vais vous montrer ça en image, comment les commandements ont été changés, comment le second a été supprimé, le quatrième changé et le dixième dédoublé. Toujours dans la même présentation que j'avais faite déjà sur Daniel 7 et le nouvel ordre mondial. On voit ici à gauche la loi de Dieu donnée à Moïse et à droite la loi de Dieu ratifiée par le pape. Donc, le deuxième commandement ici qui dit: tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, des choses qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc ici, quand on vient ici au niveau du deuxième commandement, tu ne prononceras point le nom du Seigneur ton Dieu de manière abusive. On voit que le deuxième a disparu. Le deuxième a disparu. Tout ce long chapitre là, tout ce long paragraphe là, a complètement disparu. Et il a été substitué ici par le troisième commandement, qui dit: tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc ici, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, de manière abusive. Donc c'est le troisième commandement qui est venu à la place du deuxième. Mais où est passé le deuxième commandement? Ils l'ont supprimé. Pourquoi? Parce que ils se prosternent devant des images et des statues, chose que le deuxième commandement interdit. Et donc, il fallait donc le supprimer. Alors ici, le troisième commandement: n'oublie pas de me consacrer le jour du repos. Donc, on voit que déjà le troisième commandement, c'est le quatrième ici. Parce que le quatrième ici dit quoi? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi Dieu a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ça, c'est le deuxième plus long commandement dans la Bible. Et apparemment, lui aussi, il a quasi radicalement été changé, voire même disparu. Mais n'oublie pas de me consacrer le jour du repos. Voilà, c'est vague. C'est quel jour? Le jour du repos, c'est quel jour? Du coup, ça leur laisse la prétention de mettre le jour qu'ils veulent. Et c'est ainsi que le dimanche a été institué à la place du sabbat, le septième jour que Dieu a demandé de se souvenir et de sanctifier. Il a même dit quoi? Tu travailleras 6 jours, là c'est précis, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour de repos, l'Éternel, ton Dieu. Tu as 6 jours pour travailler, pour aller à tes occupations. Mais le septième jour, tu ne dois pas travailler. Tu dois le consacrer à l'Éternel, ton Dieu. Voilà ce que dit précisément le quatrième commandement. Et au niveau du dixième ici, dans la loi de Dieu donnée à Moïse, tu ne convoiteras point la femme, la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ici, au chapitre 9 du catéchisme de la loi catholique romaine, on dit ici: tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. C'est devenu tout un commandement. Et dit: tu ne convoiteras point les biens de ton prochain. Alors qu'on voit clairement que c'est un seul et même commandement au 10. Mais comme le 2 a disparu et le 3 a disparu aussi, bien, il fallait compenser en divisant le dixième commandement en 2. Donc c'est de ça qu'Albert de Rivera parlait ici. Ok, on continue. La Rome papale dans le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 13, versets 1 à 2 de ce livre, nous lisons: et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses diadèmes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Et le dragon de loup donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Ici, nous voyons de nouveau les 10 cornes, avec les mêmes symboles. Ce qui nous montre qu'il s'agit de la même bête mentionnée dans le livre du prophète Daniel. En effet, cette puissance possède des traits qui l'apparentent aux quatre grands royaumes déjà vus. Les rites et les habits de la liturgie romaine sont souvent issus de Babylone et de Perse. La philosophie scolastique établie par saint Thomas d'Aquin est directement issue de Platon et Aristote, philosophes grecs. Enfin, les fêtes religieuses, le culte des saints, viennent en grande partie de la Rome païenne. Une visite au musée du Vatican peut facilement nous en convaincre. À la fin de la citation ci-dessus, il est dit: le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Cette puissance n'est pas d'origine divine, mais elle est inspirée par le dragon lui-même. Or, la Bible nous précise que le dragon, c'est le serpent ancien, le diable ou Satan. Cette puissance ne tire donc pas son fondement de Jésus-Christ, comme elle le prétend. Nous retrouvons dans ce même chapitre, au verset 5, 6 et 7, plusieurs des caractéristiques révélées déjà au prophète Daniel. Voir ci-dessus. Son arrogance, ses blasphèmes, sa soif de puissance et sa capacité persécutrice. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, au verset 3-4, confirme que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il n'y a pas de plus grand blasphème que l'homme puisse commettre de se présenter soi-même en tant que Dieu. Et on l'a clairement vu ici. Donc, de qui Paul parlait? De cette autorité qui dit clairement qu'elle est Dieu. Parce que il faut lire les mots. Encore même là, c'est même pas à interpréter. Les mots sont clairs. Le pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus-Christ caché sous le voile de la chair. Nous considérons que le Saint-Siège et le pontife romain ont la primauté sur le monde entier. Nous tenons sur la terre la place du Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est assez clair ici que Paul parlait de ce pouvoir, justement. Le pape est d'une si grande dignité et si exalté qu'il n'est pas un simple homme. Il est comme s'il était Dieu. Quand on dit comme, quand tu es comme Dieu, comme tu es comme quelque chose, comme quelqu'un, c'est que tu ressembles à la personne. C'est que tu es quasiment l'égal de la personne. Il est appelé l'évêque des évêques. Il est comme un monarque divin, un monarque divin, un empereur, le roi des rois. C'est pourquoi il porte une triple couronne. Voici le paroxysme du blasphème. En tant que roi du ciel, roi de la terre, roi des régions plus bas que la terre. Or, cet attribut est accordé à Dieu dans Exode chapitre 3 et dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Donc, Paul parlait clairement du système papal. Donc, on dit, il n'y a pas de plus grand blasphème que l'homme puisse commettre de se présenter soi-même en tant que Dieu. Le pape s'arroge des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à Dieu seul. Il pardonne les péchés, il déclare un être humain saint ou maudit. Ces pouvoirs n'appartiennent qu'à Dieu seul. On peut les lire dans Marc 2, versets 7 à 12, Jean 5, verset 27. Le pape Innocent III a déclaré, le pape sur cette terre prend la place du véritable Dieu. Je l'ai lu précédemment. Une telle prétention a la même inspiration que celle relatée lors de la tentation de Jésus par Satan. Si donc tu te prosternes devant moi, avait dit Satan, elle sera toute à toi, c'est-à-dire la terre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Luc 4, 7 à 8. Pendant combien de temps cette puissance va-t-elle dominer? Cette puissance papale prétend remonter à Christ en s'appuyant sur la réponse de Jésus à Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. Cette réponse de Jésus faisait suite à la confession de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16. Comment l'apôtre Pierre lui-même comprit-il cette parole? Nous pouvons lire dans la première lettre, Pierre, chapitre 2, 4 à 7, 4 et 7. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Le mot pierre ici ne désigne nullement l'apôtre, l'auteur de cette lettre, mais bien le Christ, la pierre angulaire. C'est ce que confirme la vie de Pierre par la suite. À la première grande réunion de tous les délégués des églises et apôtres à Jérusalem, dans le chapitre 15 des Actes, ce n'est pas Pierre qui préside la réunion, mais Jacques. Acte 15, verset 13. Un peu plus tard, l'apôtre Pierre s'est fait reprendre publiquement par l'apôtre Paul. Parce que, écrit Paul, Pierre avait été répréhensible. Galates 2, verset 11. L'affirmation de Jésus à Pierre concernait en effet la conviction affirmée par Pierre, qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le fondement du christianisme s'appuie sur cette affirmation de la divinité de Jésus et non sur un homme faillible comme Pierre. Cette puissance papale de Rome a surgi au IVe siècle avec l'avènement de Constantin le Grand, qui mit fin à la persécution chrétienne des premiers siècles de notre ère. Comme l'a vu le prophète Daniel, cette puissance a surgi au temps de l'invasion de l'Empire romain par les 10 peuplades barbares de l'Europe. Elle s'est consolidée sur des décombres de l'Empire romain, finissant en 476. Clovis, roi des Francs, fut le premier roi à reconnaître la suprématie papale et fut baptisé à Reims à la fin du 5e siècle. Un peu plus tard, entre 754 et 756, Pépin le Bref, roi des Francs, a combattu le roi des Lombards, qui refusait de reconnaître la suprématie de l'évêque de Rome, et il fut alors une donation au pape pour lui assurer une domination temporelle. C'est pour ces deux raisons que la France sera appelée fille aînée de l'Église, pour avoir aidé à son établissement. Mais dès 538, avec l'éviction des derniers barbares chassés de Rome, comme nous avons vu plus haut, l'évêque de Rome s'impose comme le souverain pontife de toute la chrétienté. Cette domination s'accompagnera d'une persécution des saints qui durera 1260 ans, année selon la prophétie. Dans Daniel et Apocalypse, cette durée est précisée sept fois. Qui sera visé par ces persécutions? Tous ceux qui chercheront à appuyer leur foi sur la Bible, la parole de Dieu, et non sur la tradition, qui tenteront de traduire la Bible et de la diffuser, tous ceux qui chercheront le salut dans la foi en Jésus et non dans les rites imposés par la tradition, pénitence, indulgence, pèlerinage. Parmi tous ces gens, il y aura les vaudois, les albigois, les cathares, les protestants, des hommes d'élite tels que Louis de Berquin en France, Jean Wyclef en Angleterre, Huss et Jérôme en Bohême. Le pire des crimes fut sans aucun doute le massacre de la Sainte-Barthélemy le 24 août 1572 à Paris, où le pape Grégoire XIII se félicita de cette tuerie macabre contre la fleur de la nation. Plus de 3 000 morts à Paris et 10 000 dans toute la France. Cette persécution dura jusqu'à la Révolution française. Marie Durand sera enfermée dans la tour de Constance à Aigues-Mortes pendant 38 ans. Elle en sortira le 14 avril 1768. Ironie de l'histoire, le même pays, la France, qui avait aidé la papauté à s'établir, sera aussi celui qui osera s'attaquer à cette puissance papale en 1798 sous Napoléon. La Bible parle d'une blessure mortelle contre cette bête. Apocalypse 13, verset 3, 12. Après avoir enlevé tout pouvoir temporel au pape, Napoléon ordonna au général Berthier d'amener le pape Pie VI, mort ou vif, en France, où il sera fait prisonnier à Valence. Il y mourut l'année suivante. Pie VII lui succéda, mais il sera humilié deux fois encore par Napoléon. Premièrement, en 1801, Napoléon imposera à Pie VII la signature de concordat régnant les rapports entre l'État et les religions au détriment des pouvoirs du Vatican avant la Révolution française. Deux, le 2 décembre 1804, Napoléon invitera Pie VII à son sacre, mais devant lui, il se couronnera lui-même, humiliant ainsi son invité. Dans les mêmes passages bibliques qui parlent de cette blessure mortelle, il nous est dit que cette blessure mortelle fut guérie. En effet, la papauté retrouvera assez vite son ancien prestige. En 1870, la papauté obligea la France à faire le vœu de reconstruire la basilique du Saint-Sacré-Cœur pour expier les humiliations faites au pape. En voici le texte. En présence des malheurs qui désolent la France et des malheurs plus grands peut-être qui la menacent encore, en présence des attentats sacrilèges commis à Rome contre les droits de l'Église et du Saint-Siège, et contre la personne sacrée du vicaire de Jésus-Christ, nous nous humilions devant Dieu et réunissons dans notre amour l'Église et notre patrie. Nous reconnaissons que nous avons été coupables et justement châtiés. Et pour faire amende honorable de nos péchés, obtenir de l'infinie miséricorde du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ le pardon de nos fautes, ainsi que les secours extraordinaires qui peuvent seuls délivrer le souverain pontife de sa captivité et faire cesser les malheurs de la France. Nous promettons de contribuer à l'érection à Paris d'un sanctuaire dédié au Sacré-Cœur de Jésus. Plus tard, en 1929, Mussolini accordera au pape Pie XI l'État du Vatican, retrouvant ainsi sa pleine souveraineté de chef d'État. En 2005, lors des funérailles de Jean-Paul II, plus de 200 représentants des États du monde étaient présents. La Bible nous affirme que tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas la vie éternelle. Apocalypse 13, verset 8. C'est bien ainsi que la blessure mortelle de la papauté fut guérie. Malgré cette puissance retrouvée, la papauté et tous ses alliés seront définitivement vaincus. Selon Apocalypse 17, verset 14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. En regardant rapidement cette histoire à travers les siècles, nous voyons parfaitement que ce qu'avaient annoncé les prophéties concernant cette puissance s'est révélé tout à fait exact et que son caractère n'a pas changé. N'oublions jamais, la papauté n'a pas changé et ne changera pas. Elle revendique aujourd'hui encore la suppression de la liberté de conscience et le droit d'utiliser la force contre les hérétiques. En 1854, le pape Pie IX considérait la liberté de conscience comme une erreur pestilentielle et justifiait pour l'Église le recours à la force. Il décréta le dogme de l'infaillibilité papale. Et en l'an 2000, le pape Jean-Paul II, à l'instigation du cardinal Ratzinger, devenu par la suite Benoît XVI, béatifia Pie IX, pardon, pour sa fidélité à la doctrine. Le pape se considère toujours comme le vicaire du Christ sur la terre, mais il ne se demande pas si Christ peut approuver les nombreux crimes que les papes ont commis en son nom, sans compter les nombreux scandales moraux ou financiers qui surgissent encore aujourd'hui, révélant la perversité du système. Les ultimes avertissements de Dieu à l'humanité avant son prochain retour. Jésus a fait une promesse à ses disciples avant son départ. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 2 à 3. Aucun doute sur les intentions de Dieu à notre égard. Il veut nous sauver tous, nous arracher à la puissance du mal, à toutes les tromperies, pour être heureux pour toujours avec lui. Pour cela, Dieu ne laissera personne dans l'ignorance de ses desseins, tout en laissant à chacun la liberté de répondre favorablement à son appel. C'est pourquoi, avant son proche retour, Dieu nous a donné trois derniers avertissements importants, appelés messages des trois anges, dans Apocalypse 14, versets 6 à 13. Ces avertissements font évidemment référence à la puissance qui s'opposera le plus au dessein de Dieu, qui est de sauver tous les hommes. Le premier message: Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Apocalypse 14, 6 à 7. Ce message s'adresse aux habitants de toute la terre pour leur proposer la bonne nouvelle du salut de la part de celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui y est contenu, celui donc qui mérite seule l'adoration, comme cela est rappelé dans le premier commandement. Aucun homme, pas même le pape, quel que soit son rang, ne peut exiger une telle adoration. Ce message nous avertit aussi de l'imminence du jugement de Dieu qui précède son retour. C'est maintenant le moment décisif. Qui est Babylone? Qui est Babylone? Le chapitre 17 de l'Apocalypse explique en détail ce que représente Babylone. Une femme vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, tenant dans sa main une coupe remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution, ivre du sang des saints, une femme assise sur la ville aux sept collines. Elle est aussi appelée mère des impudiques, car elle a aussi ses filles, qui sont tous ceux et celles qui reconnaissent son autorité. Cette Babylone disparaîtra aussi sûrement qu'a disparu l'ancienne Babylone, qui n'est aujourd'hui qu'un champ de ruines, malgré toute la grandeur de son passé. Voici enfin le troisième message, le plus long et le plus important. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, versets 9 à 12. Ce troisième message comporte les paroles les plus terribles de la Bible, la colère de Dieu sans mélange de miséricorde qui tombera sur ceux qui préféreront obéir à des commandements d'hommes contraires aux commandements de Dieu et qui chercheront à y contraindre ceux qui voudront rester fidèles à Dieu. Contre qui Dieu exercera une telle colère? Contre ceux qui adorent la bête et son image, qui reçoivent une marque sur leur front ou sur la main. Cela exige quelques explications. La bête est la puissance dont nous venons de décrire l'histoire, la papauté. L'image de la bête est une puissance qui lui ressemble, d'où le nom image. Nous la voyons surgir dans la seconde partie du chapitre 13 de l'Apocalypse comme une seconde bête. D'abord comme un agneau, puis parlant comme un dragon, incitant le monde entier à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Cette seconde bête puissante, surgissant au moment de la Révolution française, représente l'histoire des États-Unis et aussi du protestantisme. N'oublions pas que les États-Unis ont été formés par les exilés protestants d'Europe, chassés par la papauté à cause de leur foi. Ils furent longtemps une nation modèle, comme l'agneau qui les représentait. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. La prophétie nous dit qu'elle finit par parler comme le dragon. Les protestants tendent la main à la papauté à travers l'avènement de l'œcuménisme, qui cherche à unir tous les croyants, quelles que soient leurs différences, leurs divergences de foi. Cette union est annoncée clairement comme l'union, la grande majorité, autour de la bête pour la soutenir, la défendre, malgré tout ce qu'elle a pu faire et malgré ce qu'elle est toujours, contre ceux, c'est-à-dire un reste, qui veulent garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La marque de la bête, nous avons vu plus haut que la bête, selon la prophétie et l'histoire, a changé la loi, particulièrement le quatrième commandement, en transférant le jour du Seigneur, le sabbat de l'Éternel, au dimanche, jour du soleil. Cela s'est fait au IVe siècle, spécialement au concile de Nicée en 325 sous l'empereur Constantin. Or, le sabbat de l'Éternel est le signe de l'alliance entre les enfants de Dieu et leur Créateur, selon ce qui est écrit. Le sabbat sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Perpétuité, on le sait ce que ça veut dire. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Exode 31, verset 17. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe. Encore le mot signe. Signe, alliance, accord, concordat, entendement, pacte, si on veut, auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ézéchiel 20, verset 20. Si donc le sabbat est le signe de l'alliance entre Dieu et ses fidèles, la marque de la bête est précisément le signe de la reconnaissance de tous ceux qui et celles qui souscrivent au commandement du dimanche édicté par des hommes. Jésus et ses disciples ont toujours observé ce jour comme le jour d'adoration du vrai Dieu, créateur et rédempteur. Rien dans les Écritures nous permet d'appuyer un changement du décalogue sur ce point comme sur les autres. Or, cette question du sabbat va très vite prendre de l'ampleur, à tel point que faute de pouvoir convaincre les gens du bien fondé du respect du dimanche, les autorités civiles et religieuses n'hésiteront pas à prendre des mesures coercitives pour imposer leur point de vue, comme ce fut le cas au Moyen-Âge. C'est ce que l'Alliance européenne pour le repos dominical, fondée le 18 février 2011 à Bruxelles et signée par plus de 65 organisations politiques, syndicales et religieuses, envisage, corroborant ainsi ce qu'annonce la prophétie. Apocalypse 13, versets 15 à 17. Ainsi, ce troisième message va être décisif pour chacun de nous selon la réponse que nous donnerons à ce message. À qui obéirons-nous? À Dieu ou à des hommes se mettant à la place de Dieu? Quel salaire sera-t-il de ceux qui adorent la bête et son image? Si vous avez lu attentivement le message du troisième ange, vous pouviez comprendre quel sera le sort de tous ceux qui adorent la papauté et acceptent ces faux enseignements. Ce sera la dernière punition de tous ceux qui ont refusé de se repentir. Mais qu'est-ce qui arrivera enfin? Qu'est-ce qui arrivera avant la punition finale? Lorsque l'humanité aura fini de croupir dans le vice et passera la mesure, le Très-Haut versera ses flots sur cette planète pécheresse, plongée dans l'iniquité. Ces 7 fléaux sont décrits au 16e chapitre du livre de l'Apocalypse. 7 fléaux. Et j'entendis une grande voix venant du temple, disant aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes du courroux de Dieu. Une grande voix qui sortait du temple. De quel temple? Certes, pas celui où se trouve le pape qui sera puni lorsque les fléaux commenceront. Cette voix forte sort du temple céleste et vient directement du Dieu vivant, qui est le maître de tout l'univers. Versement de sept coupes. Premier fléau. Et le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère mauvais et malin vint sur les hommes, qui avaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image. Apocalypse 16, verset 2. Quelle est la vraie signification de la marque de la bête? La marque de la bête est le dimanche, premier jour de la semaine, établi par la papauté, au lieu du samedi, septième jour de la semaine, établi par le Seigneur. Signification du sceau de Dieu. Le sceau de Dieu est le septième jour de la semaine, c'est-à-dire le samedi. Ceux qui auront accepté le dimanche, faux jour de repos, seront frappés par les sept fléaux. Obéissance à la papauté et le châtiment vont de pair. Deuxième fléau. Et le second ange versa sa coupe sur la mer, et elle devint du sang, comme d'un corps mort. Et tous ceux qui avaient vie dans la mer moururent. Apocalypse 16, verset 3. Troisième fléau. Et le troisième versa sa coupe sur les fleuves et sur les fontaines des eaux, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux disant, tu es juste, toi qui es, qui étais, le saint, parce que tu as ainsi jugé. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel disant, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, véritable et juste sont tes jugements. Apocalypse 16, versets 4 à 7. Quatrième fléau. Et le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a pouvoir sur ses plaies. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Apocalypse 16, versets 8 à 9. Comme vous avez pu le remarquer, les quatre fléaux versés sur notre planète n'ont pas changé l'attitude des gens plongés dans l'iniquité. Ils sont restés rebelles. Cinquième fléau. Et le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume devint ténébreux et de douleur. Et ils se mordaient la langue, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Et ne se repentirent pas de leurs œuvres. Versets 10 et 11. Le cinquième fléau est versé sur le trône de la bête, et son royaume perd de son éclat, ce qui annonce la perte du pouvoir et rejet de la part des adorateurs d'aujourd'hui. Les adorateurs de la papauté et les défenseurs du faux jour du repos dimanche, lorsqu'ils auront vu qu'ils sont trompés, se détourneront contre le système papal et il sera détrôné. Mais en ce moment-là, il sera trop tard pour faire quelque chose de bien. La repentance sera impossible, puisque la grâce de Dieu sera retirée de la terre. Plus tard, nous expliquerons de plus près la chute du trône papal. Sixième fléau. Et le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate et son nom Tari, afin que la voix des rois qui viennent de l'Orient fût préparée. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits immondes, comme des grenouilles, car ce sont les esprits des démons faisant des miracles, qui s'en vont vers les rois de la terre habitée tout entière, pour les assembler pour le combat de ce grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Bienheureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Et ils les assemblèrent au lieu appelé en hébreu Armageddon. Apocalypse 16, 12 à 16. Sixième fléau est une préparation pour le septième fléau. C'est une préparation pour la guerre contre le peuple de Dieu et tous ceux qui seront fidèles au Dieu Tout-Puissant. Tous les souverains, menés par l'esprit de Satan, se mettront d'accord pour détruire tous ceux qui observent tous les commandements, y compris le commandement qui exige l'observation du septième jour, le samedi. Les trois pouvoirs suivants s'uniront. Le pouvoir satanique en forme de spiritisme. Deux, le pouvoir papal. Le pape a déjà le pouvoir, mais ce pouvoir augmentera pour arriver au degré de celui du Moyen Âge et jusqu'en 1798. Troisième point, le pouvoir de l'Amérique protestante, c'est-à-dire le pouvoir du protestantisme apostat, qui a quitté la doctrine biblique et a accepté la tradition et les dogmes du pape. Ces trois pouvoirs exigeront une influence sur les souverains du monde entier afin de s'unir dans la guerre contre les saints de Dieu. Même une date sera fixée pour exterminer tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu. Tous ceux qui ont refusé d'adorer la papauté en refusant d'accepter le jour du repos papal dimanche au lieu du septième jour samedi que Dieu a établi et consacré. La colère satanique sera grande à tel point qu'il essaiera tout pour le détruire. Est-ce qu'il y réussira? La réponse viendra au moment de la description du septième fléau. Le septième fléau. Et le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du ciel une grande voix, procédant du trône, disant « C'est fait ». Et il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres. Il y eut un grand tremblement de terre, un tremblement de terre tel que si grand qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis que les hommes sont sur la terre. Et la grande ville fut divisée en trois parties. Et les villes des nations tombèrent. Et la grande Babylone vint en mémoire devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et toute île s'enfuit et les montagnes ne furent pas trouvées. Et une grande grêle du poids d'un talon descend du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, car la plaie en est fort grande. Apocalypse 16, versets 17 à 21. Si vous avez lu attentivement la description du septième fléau, vous avez certes remarqué que quelque chose de surnaturel y arrive. Probablement chez la plupart des lecteurs, un désir se manifestera à savoir qu'est-ce qui arrivera à la fin. Lorsqu'une date sera fixée et le décret aura été promulgué, que tous ceux qui refusent d'accepter les dogmes du pape concernant l'obligation de sanctifier le dimanche soient tués, alors Dieu lui-même interviendra. Dans le livre du prophète Daniel 12, au verset 1, nous lisons « En ce temps-là s'élèvera Michaël, le grand chef, qui tient pour les fils de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple sera délivré. Quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Les ennemis du peuple de Dieu seront arrêtés au moment où ils auront commencé à tuer les enfants fidèles de Dieu. Christ lui-même défendra son peuple. Satan séduit puissamment les gens et les incite à la rébellion contre le Créateur et Maître de l'univers. Au moment où le commandant céleste aura prononcé « C'en est fait », les armes tombent tout à coup, sans qu'on s'y attende, de tous les impies de la foule qui avaient l'intention de tuer les serviteurs de Dieu, les serviteurs fidèles de Dieu. Ils deviennent impuissants et incapables de faire quoi que ce soit. Ils s'arrêteront soudainement. Effrayés, ils perdent tout courage. Ils se rendent compte qu'ils sont trompés, mais il sera trop tard à penser de la repentance quelconque. La grâce de Dieu sera retirée de la terre et la repentance sera impossible. C'est pourquoi il faut se repentir aujourd'hui, car demain peut être tard. Qu'est-ce qui arrivera après le septième fléau? Le septième fléau est le dernier fléau qui sera versé sur la terre. Dans la période du septième fléau, les événements terribles se dérouleront et ils dépasseront les six précédents. Durant le septième fléau, il y aura des tremblements de terre jamais vus auparavant. Les îles s'enfonceront dans la mer et les montagnes disparaîtront et seront aplanies. Les villes maritimes iront au fond de la mer. Les villes qui ne sont pas près de la côte s'enfonceront dans la terre. La Bible ne dit pas que toutes les villes disparaîtront. Disparaîtront les villes où l'iniquité fleurissait. La grande Babylone vint en mémoire devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Babylone la grande est le terme biblique et se rapporte au système papal. Vers la fin du septième fléau paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Christ, la première fois, est venu pour donner sa vie, afin que son sacrifice servît à notre salut. La deuxième fois, il viendra avec puissance et une grande gloire. Il viendra chercher ses fidèles et tous ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Lorsque Christ viendra, les impies crieront aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et tenez-nous cachés devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Apocalypse 6, verset 16, selon la version Darby. D'autre part, les fidèles de Dieu diront, voici, c'est ici notre Dieu, nous l'avons attendu et il nous sauvera. Égayons-nous et réjouissons-nous dans sa délivrance. Ésaïe 25, verset 9. Ok. L'origine du repos du dimanche. Dans le catéchisme de l'Église nationale vaudoise, page 161, nous lisons, quelle est la tradition de l'Église chrétienne? L'Église observe un jour de repos sur sept. Elle a fixé ce jour de repos au dimanche, en mémoire de la résurrection de Jésus-Christ. Voilà une déclaration nette, mais qui n'a pas l'approbation de ce mot, il est écrit. En vérité, monsieur le pasteur Colomb a écrit juste, lui, une tradition catholique romaine, disons plutôt païenne. L'histoire nous renseigne sur l'origine du repos du dimanche, au jour du soleil, Sole Dei Solis, appelé aussi par les Romains. Plusieurs novateurs et pères de l'Église préconisèrent le repos du dimanche afin de se distinguer d'avec les Juifs observateurs du septième jour. Ce n'est qu'avec peine et menace que Rome papale imposa le dimanche aux chrétiens. Dans les premiers siècles, il est notoire que les chrétiens observaient et sanctifiaient le jour désigné par Dieu, et cela jusqu'aux édits de Constantin le Grand. En l'an 321, l'empereur Constantin publia deux édits. L'un recommandait d'observer religieusement le jour du soleil, l'autre de consulter les aurispices, c'est-à-dire les devins. L'empereur était un adorateur du soleil, l'Apollon de la mythologie grecque et romaine. Pour honorer sa divinité, les travaux des champs seront suspendus ce jour-là. On peut le lire dans la Décadence de l'Empire romain par Gibbons, page 86-87 du tome 4. Voici un second témoignage. Constantin, empereur, permis à l'Église d'acquérir des biens, des propriétés, de juger en matière civile. Il adoucit les mœurs, abolit le supplice de la croix, la peine du fouet et les sacrifices humains. Le jour consacré au culte du soleil fut appelé dès lors Dominus, Seigneur. Le jour du Seigneur, d'où est sorti dimanche. Le jour du soleil, Solis Deis. Les travaux des champs seront suspendus pour le culte du soleil, et ainsi sera honoré le jour de la résurrection du Seigneur. C'était par Gendreau, d'après l'ouvrage de F. Honinger, Histoire du christianisme. L'origine du repos du dimanche a donc une origine païenne, ou un mélange de christianisme et de paganisme, une tradition. Si le dimanche avait déjà remplacé alors le repos du septième jour, l'édit de l'empereur n'était pas nécessaire. D'autre part, l'Église était hésitante sur cette loi, vu qu'elle ne se conforma que 43 ans plus tard au concile de Laodicée. Le décret de l'empereur supprima l'observation du quatrième commandement. L'Éternel, le Dieu créateur, reste maître et souverain. Il laisse les hommes changer et transgresser sa loi, désobéir à ses ordres. Mais sachez qu'ils ne demeureront point impunis. C'est pourquoi le jugement et aussi le châtiment attendent les rebelles. Jésus recommande aux disciples de prier que leur fuite hors de Jérusalem n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, de peur que ce jour soit profané. Fuite qui prit place 40 ans plus tard. Matthieu 24, verset 20. Pour Jésus, le jour du sabbat demeure à toujours. Dans le catéchisme Charancy, nous lisons à la page 213. Quel est le jour du sabbat ou du repos de Dieu? Réponse. C'est le septième jour de la semaine, le samedi. Car Dieu employa 6 jours à la création du monde et il se reposa le septième. Question. Ce serait donc le samedi que nous devrions nous reposer pour obéir à l'ordre de Dieu? Réponse. Dans l'ancienne loi, on observait le samedi, mais l'Église a changé ce jour en celui du dimanche. Question. L'Église a-t-elle pu, sans violer le commandement de Dieu, changer ce jour en celui du dimanche? Réponse. Oui. Ce changement a été fait par l'Esprit de Dieu. Question. Comment savons-nous qu'il a été fait par l'Esprit de Dieu? Réponse. Nous le savons par la tradition et nous en voyons quelques vestiges dans l'Écriture. Saint Jean eut la révélation le jour du Seigneur que nous traduisons par dimanche. Et quelques autres textes qui semblent que les disciples s'assemblèrent le dimanche. Mais ces passages de la Bible ne prouvent pas que l'observation du samedi a été changé au dimanche. Nous savons positivement que ce changement a été fait par la tradition. Le dimanche est glorifié par les conciles d'Arles en 314, de Nicée en 325, de Sardes en 345 et de Laodicée en 364. Le canon 29 de ce dernier concile impose aux chrétiens la sanctification du dimanche et profère l'anathème sur tous ceux qui continueront à observer le samedi. Le cardinal Eusèbe, au IVe siècle, dit: Tout ce qu'il fallait faire au jour du samedi, nous avons transféré au jour du Seigneur. Les évêques de Rome reconnaissent ouvertement que la sanctification du dimanche n'est pas l'ordre divin, mais celui de l'Église apostate catholique romaine. L'adoration des images, des statues, aussi bien que le culte des saints et des anges, est l'œuvre de la même Église rebelle. Ne nous irritons pas lorsque le Seigneur nous donne la vérité et la lumière de sa parole. Inclinons-nous et obéissons. C'est la voie du salut. C'est là notre sûreté. Ainsi prendra fin cette douloureuse histoire de la domination papale pour laisser place à un monde réconcilié avec Dieu, libre de tout mal. Ces promesses sont pour vous, pour moi, sans difficulté, avec un peu de bonne volonté. Comme nous le disons au début de cet épilogue à propos du livre d'Alberto Rivera, toutes ces révélations ne veulent pas condamner des personnes catholiques, souvent sincères, mais trompées ou complètement ignorantes des subtiles manœuvres de Satan. Mais elles visent directement un système mauvais qui se cache souvent devant une belle apparence trompeuse. C'est pourquoi Dieu a voulu, par sa parole dans la Bible, nous avertir de tous ces mensonges, particulièrement pour le temps que nous vivons. Dieu est amour et son but est de sauver et non de perdre. C'est pourquoi il ne laissera aucune personne sincère dans l'ignorance avant la fin qui s'approche. Mais il est juste aussi pour ne pas laisser indéfiniment perdurer une situation qui engendre tant de conflits et de malheurs. C'est ce que nous pouvons comprendre avec cette parole. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Retenons ces deux promesses de l'Écriture. Et, pendant qu'il est encore temps, faisons le bon choix. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive, par la bouche, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe 1, verset 18 à 20. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, Écris, car ces paroles seront certaines et véritables. Apocalypse 13, Apocalypse 21, versets 3 à 5. Alors, pour la loi de Dieu, on l'a déjà vu dans l'image que je vous ai montrée. On va sauter ce passage. Et la loi aussi inventée par la rapportée. On l'a aussi vu déjà dans l'image. Donc, on va sauter ce passage. Le catholicisme parle. Le dimanche est une institution catholique et le droit d'en exiger l'observance ne peut reposer que sur les doctrines catholiques. Du début à la fin des Écritures, aucun passage ne justifie le remplacement du culte public hebdomadaire le septième jour en faveur du premier jour. C'est tiré du le Catéchisme Press, Sydney, Australie, août 1900. Le protestantisme. À part l'autorité de l'Église catholique romaine, n'a aucune raison valable pour prouver la théorie de l'observance du dimanche et devrait logiquement observer le samedi, le sabbat. Selon John Gilmer Ritchie, American Catholic Quarterly Review de janvier 1883, nous nous devons de rappeler aux presbytériens, aux baptistes, aux méthodistes et à tous les autres chrétiens que la Bible ne les approuve nullement dans leur observance du dimanche. Le dimanche est une institution catholique et son observance constitue une soumission à un commandement de l'Église catholique. Le prêtre Brady, dans un discours rapporté dans Elizabeth, New Jersey News, le 18 mars 1903. Question. Existe-t-il d'autres preuves qui appuient le pouvoir de l'Église en matière d'autorité concernant l'institution de jours de fête, l'ordonnance des jours de repos? Réponse. Si elle n'était pas dotée d'une telle autorité, ce qu'elle a accompli, le remplacement du septième jour, le jour du sabbat, samedi, par le premier jour de la semaine, le dimanche, un changement non justifié par des préceptes bibliques, ne serait point reconnu par les enseignants religieux de notre époque. Stephen Kinnan, dans Et Doctrinal, Catéchisme, page 176. La raison et le but sont. La raison et le but sens exigent le choix entre l'une ou l'autre de ces possibilités. Soit le protestantisme et l'observance du samedi comme jour de repos, ou le catéchisme. Catholicisme et le dimanche comme jour du repos. Il ne peut y avoir de compromis. Le Catholic Mirror, 23 décembre 1893. Dieu donna simplement à son Église catholique le pouvoir de choisir le ou les jours qui lui sembleraient favorables comme jour du repos. L'Église choisit le dimanche et le premier jour de la semaine au cours des siècles. Elle en ajouta d'autres. Vincent J. Kelly, dans Forbidden Sunday and Feast Day Occupation, page 2. Les protestants acceptent le dimanche au lieu du samedi comme le jour du culte public, bien que l'Église catholique en ait fait le changement. Mais ce que les protestants ne réalisent pas en observant le dimanche, ils reconnaissent l'autorité du chef de l'Église, le pape. Tiré de Harrison des Visiteurs, 5 février 1950. L'honneur d'avoir accordé à l'homme un temps de repos tous les 7 jours de la semaine ne revient pas au Créateur de l'univers, de la Genèse, mais bien plutôt à l'Église catholique. S. D. Mosna, dans Storia della Domenica, 1969, page 366 à 367. Nous remplaçons sur la terre le Dieu Tout-Puissant. Parole de pape Léon XIII, dans une lettre encyclique du 20 juin 1894. Le pape est non seulement le représentant de Jésus, mais il est Jésus-Christ lui-même, caché sous le voile de la chair. Vous avez déjà lu ça? Tiré du catholique national, JR 1895. Si les protestants s'en tenaient à la Bible, ils adoreraient Dieu le jour du sabbat. En observant le dimanche, ils observent un commandement de l'Église catholique. Albert Smith, chancelier de l'archevêché de Baltimore. Nous déclarons que le Saint-Siège apostolique, c'est-à-dire le Vatican, et le pontife romain ont l'autorité sur le monde entier. Je vais sauter les articles, vous pourrez les lire vous-même après. Ce fut l'Église catholique qui, avec le consentement de Jésus-Christ, transféra le jour du repos, le sabbat biblique, au dimanche. Par conséquent, l'observance du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent malgré eux à l'autorité de l'Église catholique. Monseigneur Louis Ségou. Nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique a transféré la solennité du samedi au dimanche. Peter Gierman, dans Et Doctrinal Catéchisme, 1957, édition 1957, page 50. Nous, catholiques, disposons de la même autorité qui nous permet de substituer le dimanche au samedi, comme nous avons d'ailleurs pour tous les autres dogmes de notre foi, c'est-à-dire basés sur l'autorité de l'Église. Tandis que vous, les protestants, ne disposez d'aucune autorité similaire, la Bible ne vous accordant pas plus de droits concernant ce changement du samedi au dimanche que sur aucun autre commandement. Par conséquent, nous, autant que vous, suivons donc une tradition. Cependant, nous la suivons en croyant qu'elle fait partie de la parole de Dieu et que l'Église catholique en est la gardienne et l'interprète divinement élue, tandis que vous lui obéissez à l'Église catholique, tout en l'accusant constamment d'être un guide faillible et mensongère qui s'acharne à détruire la parole de Dieu, selon Matthieu 15, verset 6. Le Brotherhood of Saint Paul. Alors voilà. L'Église changea l'observance du sabbat pour le jour du dimanche grâce à l'autorité divine et infaillible qui lui a été conférée par Jésus-Christ, son fondateur. L'Église protestante réclamant la Bible comme seul guide spirituel n'a aucune raison valable d'observer le dimanche. Par conséquent, l'Église adventiste du septième jour est la seule Église protestante qui soit consistante avec la Bible. Dans le Catholic Universe, bulletin du 14 août 1942, page 4. Voilà pour les articles de presse qui parlent d'eux-mêmes. Ainsi, nous arrivons à la fin de ce livre, Les Crimes du Vatican, d'Alberto Rivera. Merci de bien vouloir partager cela pour aider tous vos amis, frères, sœurs, parents qui sont encore dans ce système et qui y sont par ignorance. Beaucoup sont sincères, mais ils sont dans l'ignorance de ces vérités-là. Portez-vous bien et à nous voir à la prochaine vidéo. À plus.